voudrais juste vous dire quelques mots peut-être sur l'historique qui entoure Chabanel et moi. On a peut-être un DNA qui est assez lié parce que en 77 déjà, mon père et mon frère qui est présent ont créé une petite entreprise de vêtements sur la rue Chabanel ici au 99. Donc dès cette époque-là, j'ai été très impliqué dans la rue. J'ai distribué des feuillets le samedi matin à la clientèle qui venait acheter sur la rue, vous ou vos parents. Et je me suis impliqué naturellement dans le développement de l'entreprise familiale. Subséquemment, ben, ça a été aussi la même chose. Mes clients, nombreux, étaient sur Chabanel. Et là, j'étais de l'autre côté de la barrière parce que je signais les baux pour eux. Finalement, ça fait que j'ai toujours été des amis. Amis sont dans le quartier également. Donc, j'ai toujours été très présent avec la rue. Lorsque le projet d'investissement sur la rue Chabanel s'est fait, naturellement, ça a ravivé des passions excessivement importantes. De là, on a commencé à déterminer comment on pouvait prendre cette énergie créatrice qui a toujours existé, qui a toujours été présente, que moi j'ai vécu, de tous ces gens dans l'industrie de la mode, une industrie à certains égards qu'on prend un peu, qu'on considère défaillante ces temps-ci, mais j'aimerais dire que ce n'est pas vrai du tout. L'industrie de la mode, et Chabanel particulièrement, est florissante. C'est-à-dire qu'on a modifié et on a accepté que les industries qui étaient en mutation naturellement, puisqu'il y avait énormément d'industries manufacturières qui, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui les industries sont de la mode, on pourrait vous dire qu'elles sont beaucoup plus concentrées, axées sur le design, axées sur la crédibilité, la créativité, axées sur la logistique. D'où l'idée, et je vous le cite maintenant, via le regroupement pour le développement et la promotion de la rue Chabanel, qui est une association à but non lucratif qui comprend tous les intervenants du quartier, de créer un salon de la mode sur la rue Chabanel, salon de la mode qu'on espère voir le jour dans un an, d'envergure internationale, une envergure qui va pouvoir représenter et signifier que finalement, Montréal, c'est effectivement la deuxième capitale de la mode en Amérique du Nord. Et si elle a ce titre, ben c'est grâce à Chabanel. Ceci étant, cette diversification, la mode, c'est une chose, c'est un ancrage bien déterminé, mais il fallait aussi créer une diversification pour la rue, en tous les cas, c'était notre sentiment. Donc il fallait d'abord revitaliser le secteur et on est fiers de s'être associé avec la ville de Montréal, avec l'arrondissement, avec l'AMT, avec l'OBNL, avec la SHDM, avec tous les intervenants qui ont cru qu'il était possible de revitaliser ce secteur et de lui redonner la place qu'il mérite avec toute cette passion, cette énergie puis cette créativité. Donc on a tranquillement donné une vocation ou essayé de donner une vocation à chacun de ces immeubles dans le cadre du design, dans le cadre de la créativité, pour leur donner une identité propre. Et aujourd'hui, force est de reconnaître, et c'est un grand moment, c'est un grand plaisir pour moi, vous savez, dans l'OBNL, le slogan c'est du quartier de l'OBNL, c'est vivre, se divertir et travailler sur la rue Chabanel. Aujourd'hui, on peut consacrer ce moment, c'est le moment de vivre dans la rue Chabanel. Et le 125, c'est la pierre angulaire de tout un développement qui va s'arrimer autour également. C'est géographiquement dans l'axe central de la rue et c'est effectivement l'endroit où une nouvelle énergie, une nouvelle génération, grâce à la clientèle de la SHDM, entre autres, et des premiers acheteurs de l'île de Montréal, qui va pouvoir redémarrer le quartier, on l'espère, de revitaliser avec des nouveaux commerces, des nouveaux restaurants, enfin toutes sortes d'activités qui va faire bon de travailler et d'habiter et de vivre. Je voudrais conclure en disant on essaye aujourd'hui sur la rue Chabanel de créer une communauté, de créer une nouvelle communauté. Et c'est surtout à ça qu'on s'attelle. Ça prend une vision. La ville a contribué à cette vision. en dépensant des sommes importantes sur la revitalisation de la rue. C'est pas terminé. Il y a encore des choses. C'est jamais terminé pour un promoteur de toutes les façons. Donc, on aimerait bien que cette vision se perpétue et continue. Puis, et donc, nous, on dit Chabanel, c'est notre slogan, ou d'ailleurs, c'est co-créer Chabanel. C'est-à-dire comment, ensemble, on peut participer à ce développement, à cette revitalisation, à reprendre tout ce qui était la créativité ancestrale du quartier, son sentiment et son entrepreneurship, si vous voulez, qui est tellement important, parce que c'est des petits entrepreneurs qui ont finalement monté des entreprises assez considérables. Et donc, l'idéal pour nous, c'est que vous agissiez comme nos ambassadeurs pour essayer de véhiculer ce message qu'ensemble, on peut co-créer le quartier Chabanel.